Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Alma Mahler, la femme silencieuse. Adolescente, Alma Schindler se rêve compositrice. Élevée à Vienne dans le milieu des intellectuels et des artistes, cette musicienne douée s'imagine devenir une des premières femmes à s'accomplir dans son art. Mais c'est tout autre chose qu'elle fera de sa vie. Cette belle jeune fille qui ensorcelle les hommes par son intelligence et ses formes voluptueuses va devenir cette chose étrange que l'on appelle une muse. En épousant le grand compositeur Gustav Mahler, de 19 ans son aîné, Alma accepte de renoncer à ses ambitions pour se consacrer à son mari et à sa famille. Mais alors qu'elle est sur le point de sombrer dans la dépression et l'alcool, sa vie prend un nouveau tournant quand son époux meurt. Et comme si elle voulait rattraper le temps perdu, la veuve Alma Mahler, douée d'un fort pouvoir de domination, va multiplier les amants et les maris, tous de grands artistes ou de grands écrivains. En 1912, alors que la capitale de l'Empire austro-hongrois brille de ses derniers feux, Alma Mahler va vivre avec le peintre expressionniste Oskar Kokoschka une passion dévorante qui conduira l'artiste aux frontières de la folie. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Catherine Sauva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, autrice de nombreuses biographies, notamment celle d'Alma Mahler, notre héroïne de ce soir. Alors pourquoi cette femme qui finalement n'a rien produit par elle-même, enfin très peu, elle a composé quelques leaders, pourquoi cette femme est-elle si fascinante ? Mais je crois qu'elle nous pose la question de plus en plus contemporaine finalement de l'émancipation d'une femme au travers d'une époque qui n'était pas favorable. Et on s'interroge beaucoup sur la manière dont les événements se sont vraiment passés en ce qui la concerne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît et grandit dans la Vienne du tournant du siècle dans une période d'effervescence absolument inouïe. Elle a la possibilité de rencontrer mille et un intellectuels, mille et un artistes. Oui, elle est dans un milieu extrêmement favorable. Voilà, tout à fait. Elle échange son premier baiser amoureux avec Klimt. Le peintre plutôt, Klimt. Voilà, c'est plutôt pas n'importe mal, qui. Qui était d'ailleurs un séducteur invétéré, qui a eu beaucoup de relations dans sa vie, etc. Et elle écrit très vite. Alors ça, pour nous, c'est un témoignage qui est absolument extraordinaire, parce qu'elle écrit ses journaux intimes. Et dans ses journaux intimes, elle parle de tous ces endroits où elle se rend, puisque son beau-père est le cofondateur de la sécession viennoise. Et donc, c'est quoi la sécession viennoise? Donc juste pour préciser son nom, c'est Karl Moll, qui était aussi un peintre, et il était l'élève du père de Alma, qui s'appelait Emil Schindler. La sécession viennoise, c'est une des marques de la sécession allemande, et c'est une manière de vouloir considérer l'art dans sa totalité. C'est-à-dire, un petit peu aussi comme les Anglais ont voulu le faire, de mélanger les arts appliqués avec les arts, avec un grand A. Et Klimt et quelques autres en sont les fervents défenseurs. Et Alma elle-même, Alma Schindler, donc c'est son nom de jeune fille, est-elle douée pour la musique? Alors, elle éprouve une véritable passion pour la musique, elle prend des cours, elle est très douée au piano, elle est capable, c'est une wagnérienne convaincue, elle est capable de jouer des extraits d'opéra de manière tout à fait vigoureuse et certainement très très enflammée. Elle sait lire la musique, elle sait la copier et elle s'imagine compositrice. Elle a un véritable talent, mais elle est toujours renvoyée à son époque, et elle ne peut pas prendre de vraies, véritables leçons ou de cours de contrepoint ou d'éléments qui pourraient la faire davantage progresser. Elle a la chance à un moment donné de rencontrer un compositeur qui a laissé son nom, qui s'appelle Zemlinsky, qui sera son amant, qu'elle décrit de manière, qu'elle décrit de manière pas tout à fait formidable, parce qu'il devait être assez malingre et ne s'entend pas très bon. Enfin, nous avons droit à quelques détails. Mais bon, en même temps, elle est attirée. Sexuellement par lui. Voilà. Enfin, elle frémit quand elle le voit, et surtout, il essaye de l'attirer de sa superficialité. C'est encore un terme qu'il faut prendre avec des pincettes. Elle est jeune, elle a envie de plaire, elle est belle, elle est vraiment ravissante. Hein. Jeune femme, on la présentait comme la plus jolie jeune fille de Vienne. Et c'est une fille qui lit Nietzsche, qui lit des grands auteurs et qui se pique de philosophie et de tous ces arts, etc. Alors, est-ce qu'elle est vraiment douée? Oui, elle a un talent, mais tout talent demande travail, et c'est ce qui est un petit peu difficile, et c'est ce sur quoi elle se lamente elle-même. Et en 1901, elle rencontre Gustav Mahler, le grand chef d'orchestre et compositeur de l'époque, qui est d'ailleurs un peu controversé à Vienne. Il va lui demander sa main assez rapidement. Très, très rapidement. Il a 19 ans de plus qu'elle. Voilà, c'est ça. Alors, il fait irruption dans sa vie. Il se rend compte lors d'un dîner un peu mondain auprès d'une salonnière et journaliste qui est assez, assez connue. Et elle le provoque un peu. Elle est un petit peu piquante. Et très vite, il l'invite à venir le voir à l'opéra. Il se revoit. Et en quelques jours à peine, effectivement, il la demande en mariage. Mais avec le mariage, il y a une condition qui est assez redoutable, qui est d'arrêter de vouloir composer. Puisque, évidemment, c'est comme ça qu'elle se présente auprès du grand musicien. Et lui n'imagine pas que dans un mariage réussi, deux personnes puissent faire la même chose, exercer le même métier. Et que de toute façon, c'est quelqu'un, lui, de formidablement organisé. Toutes ses journées sont absolument, mais coupées au cordeau, etc. Il faut, de telle heure à telle heure, il se passe telle et telle chose, etc. Et il ne supporte aucune intrusion et aucun changement possible dans sa vie, et elle doit rentrer dans cette boîte-là, et elle l'accepte parce qu'elle est amoureuse, et puis qu'elle se dit aussi que c'est un homme exceptionnel, ouais. Bien sûr. En 1911, elle a 32 ans quand Gustav Mahler meurt d'une maladie du cœur. C'est terrible pour elle, mais c'est peut-être aussi sa chance, on va voir. Catherine Sauva, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Alma Mahler, La femme silencieuse, un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Rien du tout. Depuis que Gustave est mort, je n'arrive plus du tout à jouer. Un silence mortel m'est tombé dessus. Je devrais me secouer, faire en sorte d'aller mieux. Mais tout ça me paraît absurde, écœurant même. Je suis vidée, comme si ma vie avait passé d'un coup. Je n'ai pourtant que 35 ans, mais je me sens déjà vieille. Avant, quand je n'en pouvais plus de ma vie avec Gustave, je rêvais en secret de me retrouver enfin seule. Je me disais que je reprendrais la musique, le piano. Mais maintenant, je n'ai plus envie de rien. Qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais retrouver mon audace et mon orgueil. Me sentir invincible comme quand j'étais enfant. Quand je rêvais d'être la première femme qui composerait une grande œuvre. Comme c'est dur. Quand on est une femme, d'échapper à ça. N'être qu'une épouse. Et pour moi, maintenant, c'est encore pire. Je ne suis plus qu'une veuve. Une pauvre femme. Toute seule. Vienne, avril 1912. Dans la vibrante capitale de l'Empire austro-hongrois, centre culturel majeur de l'Europe, Alma Mahler est de retour au domicile de sa mère et de son beau-père. Son défunt mari, le compositeur Gustav Mahler, ex-directeur de l'opéra de la cour de Vienne, avait 20 ans de plus qu'elle. Avant de l'épouser, il avait conclu avec elle un étrange pacte. Il ne pourrait s'unir que si elle abandonnait totalement ses prétentions d'artiste. Le rôle du compositeur, c'est le mien. Le vôtre, c'est celui d'une compagne aimante et attentionnée, lui avait-il écrit dans sa lettre de demande en mariage. Étrangement, la jeune Alma, qui n'avait alors que 22 ans, s'était soumise à cette demande. Mais elle paye cher ce silence forcé. Dépression, isolement et problèmes d'alcool s'invitent dans la vie du couple. 10 ans plus tard, éprouvée par la perte de son mari, elle reprend peu à peu sa vie d'avant. Ce soir-là, ses parents ont invité à dîner un jeune peintre prometteur et turbulent. Alors c'est vous, Alma? Oui, c'est moi. Et vous? Moi, je suis Oscar Kokoschka. J'ai été invité par votre père. Il s'intéresse à ma peinture. Mon beau-père. Ah. Mon père était Emil Jakob Schindler, un très grand peintre. J'imagine que vous le connaissez. Ah bah oui, bien sûr. J'ai entendu parler de lui et de sa fille, la plus jolie fille de Vienne. Moi? Oui, on disait ça à l'époque. Je dois avouer que je m'attendais à autre chose. Ah oui? Et à quoi? Je pensais que vous porteriez le deuil de votre défunt mari. Gustave ne voulait pas que je m'habille en noir. Mais Gustave ne se rendait peut-être pas compte. De quoi donc? Que vous attireriez tous les regards. Ce n'était pas un jaloux, si c'est ce que vous voulez dire. mais il avait d'autres défauts. Pour moi, il avait un défaut principal, il n'était pas peintre, et donc il ne pouvait pas voir votre vraie beauté. Et qu'est-ce que vous voyez, vous qui êtes peintre? Je peux vous dessiner, Alma? Ben, vous pouvez, mais cela ne répond pas à ma question. Installez-vous ici. Là? Juste là, les jambes croisées, sur le côté. Sur le côté. Pardon. Vous permettez? Oui. Voilà. Je n'ai pas tellement l'habitude de rester immobile. Hein. Je vous en prie, ce ne sera pas long. Comme ça, je réponds à votre question et je fais plaisir à votre beau-père, qui a suggéré que je fasse votre portrait. Vous ne devez pourtant pas manquer de modèle. Ce n'est pas le modèle qui compte, c'est l'artiste et la manière de regarder, de révéler les secrets intimes. Et pourquoi est-ce que vous bougez? Je n'ai pas l'habitude d'être regardé comme ça. Ça ne vous embête pas si je joue un peu de piano? Non, pourquoi? Je serai moins mal à l'aise. Et si je vous jouais un air de Tristan et Isolde? C'est bien comme ça. Alors vous aimez la musique romantique? Pour moi, Wagner est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je n'aime pas les grands sentiments du romantisme. Je veux quelque chose de féroce. Féroce? Vous n'avez pas l'air féroce du tout. Vous ne me connaissez pas, Alma. Mais pourtant, j'ai l'impression que je vous connais déjà depuis longtemps. Vous voulez la beauté, les sentiments nobles, les salons rococo de Vienne. Mais le monde qui vient est un monde moderne, un monde terrible, qui balayera tout ça sans pitié. Ah, zut! Que se passe-t-il? Je n'arrive à rien. Alma! Oui. Mais que faites-vous? Je vous prie de m'excuser. Alma, vous êtes sublime. Oh, Oscar, sortez vite, mes parents! Je vous aime déjà! Oscar est complètement fou. Il m'a déjà écrit 3 lettres d'amour enflammées. Dans son domaine, c'est un génie. Comme Gustave dans le sien. C'est ce que j'aime chez lui. J'aime son air maladroit, ses oreilles décollées. Il est plus jeune que moi, j'ai parfois l'impression d'être avec un enfant. Je l'adore. Au fond, mon rôle sur cette terre, c'est peut-être ça. Vivre pour les génies qui m'entourent. Les soutenir, les aider, les pousser à donner le meilleur de leur art. Oscar a tellement besoin d'être encadré. Il est si intense, si sauvage. Il m'a déjà envoyé plusieurs dessins de moi. Il dit qu'il cherche la réponse à ma question. Je n'avais plus l'habitude d'être aimée à ce point, d'être aussi cruciale pour quelqu'un. J'ai l'impression de revivre. Quel bonheur. Oscar Kokoschka et Alma Mahler deviennent vite inséparables. Le peintre lui envoie des lettres tous les jours qui témoignent d'une passion brûlante. Il a besoin d'elle pour créer. Elle s'épanouit dans sa nouvelle identité de muse. Mais elle découvre vite que cette adoration va de pair avec une possessivité étouffante. Alma doit de nouveau modifier sa façon de vivre. Quand elle reçoit du monde, Oscar est si jaloux qu'il reste à faire les 100 pas sous sa fenêtre pendant toute la soirée. Les premiers conflits ne tardent pas à émerger. Alma? Quoi? Tu sais quoi? Non, Oscar, je ne sais pas. Je voudrais qu'on se marie. Le mariage... Alma, il faut que je t'aie, que je te garde. Sinon, tu m'échapperas. Et sans toi, qu'est-ce qui reste de moi? Rien. Je vais perdre tout mon talent, le gâcher dans l'alcool et les excès. Tu n'es pas un enfant, Oscar. Tu peux prendre soin de toi-même. Non, je ne peux pas. Je ne le peux qu'avec toi. Ah, oh, tu exagères. D'ailleurs, je vais bientôt devoir partir quelque temps. Partir? Oui, avec Lily. À Scheveningen. Tu te souviens que je t'en ai parlé? Mais pourquoi tu me prives encore de toi? Pour aller dans un spa ridicule? J'ai besoin de repos. Le médecin m'a dit de faire attention. Tu veux t'échapper? Mais non! Tu ne dois jamais m'échapper. Arrête! Tes yeux, toujours, ils doivent être sur moi. Même quand je ne suis pas là. Mais arrête! Tu es fou! Si tu penses à autre chose qu'à moi, je saurais t'en faire passer l'envie. Arrête! Tu me fais peur quand tu es comme ça. Tu préfères passer du temps avec cette femme sans intérêt? Tu ne m'aimes pas vraiment. J'ai quand même le droit de voir mon ami. Déjà que... Quoi? que je ne vois plus personne. Tu dis toujours ça, mais tous les soirs, il y a du monde ici, tous les soirs. Et des hommes qui te tournent autour. Mais je n'aime que toi, Oscar. Je me fiche des autres hommes. Tu flirtes, tu fais des sourires. C'est ma personnalité. J'aime ça. Tu portes des robes trop décolletées. Mais non, regarde, j'ai fait un effort. Elle remonte jusqu'au cou et elle cache mes bras. Alors tu pars à Scheveningen? Oui. Quand? Tout à l'heure. Et ton ami arrive quand? Bientôt. Je t'ai fait un cadeau. Tiens, ouvre-le avant qu'elle arrive. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est gentil, Oscar. C'est un pyjama. Un pyjama très rouge. Couleur de feu, de passion, d'amour, de colère, de sang, de cerise écrabouillée. Tu es un amour. Je vais aller préparer mes affaires. Ben, je t'attends là. Tu ne vas pas travailler? Non, je vais me reposer un peu. Mais tu prends pas le pyjama? Non, j'en ai déjà un. Tu n'aimes pas le pyjama? Oscar, tu es un enfant parfois. Pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas mettre un pyjama d'une couleur aussi vulgaire. Vulgaire? La couleur de mon amour pour toi. Mais ce pyjama est magnifique, regarde. Je vais le mettre tout de suite. Et te prouver que c'est le plus beau pyjama du monde, une splendeur sans égale. Le plus viennois, le plus rococo, le plus bourgeois des pyjamas, la crème des salons. La prochaine mode sur la Ringstrasse. Oscar, mais tu es fou. Mais tu vas quand même pas, mais ravis-toi. Eh bien voilà, ton peintre s'humilie à tes genoux dans son habit de feu. Alma, déesse de la beauté, mère de tous les arts, je suis ton flamboyant serviteur. Oscar, tu me fais mourir de rire. Allez, relève-toi, il y a quelqu'un. C'est Lily qui arrive. Allez, enlève-le vite. Mais jamais de la vie. Bonjour Lily, entrez vite. Bonjour Oscar. Alma, est-ce que tout va bien? Lily, ma chérie, entre. Entrez, Lily, chérie. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais c'est un moment parfait, absolument parfait. Elle est toute à vous. Je vous laisse. Adieu, mes beautés, et bonne cure de repos. Je retourne à mes toiles. Ouf. Un peu de calme. Quand Oscar est à la maison, c'est tout ou rien. Parfois, c'est un vrai paradis. Nous rions. Nous nous serrons l'un contre l'autre pendant des journées entières. J'aime poser pour lui et sentir que je suis son unique sujet en peinture. D'autres fois, c'est un enfer. Il est jaloux. Il me fait des crises tout le temps. Il me casse la tête avec ses reproches. Pas grave. Je peux supporter un peu de jalousie. Mais ce qui m'inquiète, c'est sa tendance à devenir vraiment brutale. Parfois, j'ai l'impression qu'il pourrait m'étrangler. Comme ces temps-ci où il n'arrête pas de revenir à la charge avec son idée d'avoir un enfant avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les relations entre les amants se compliquent rapidement. En octobre 1912, Alma Mahler découvre qu'elle est enceinte. Pour elle, les choses sont claires, elle ne gardera pas l'enfant. Kokoschka ne peut qu'accepter sa décision d'avorter, même s'il désire l'enfant plus que tout. Il considère qu'elle accomplit un meurtre. Désormais, il peindra très souvent Alma, son unique modèle, en compagnie d'un enfant mort. Cela ne l'empêche pas d'être de plus en plus possessif. Il a désormais une idée fixe, épouser Alma avec ou sans son consentement. Quand Alma en a assez, elle lui échappe pour aller à la montagne ou au bord de la mer hollandaise à Scheveningen. Quel plaisir de prendre un peu le soleil et d'avoir enfin la paix. C'est Oscar qui t'épuise. Oui, littéralement. Je n'ai plus la moindre énergie. Je n'ai pas touché à mes partitions. Tout tourne autour de lui. C'est dommage. Tu devrais te remettre à tes chansons, elles sont si belles. Tu es gentil. Non, mais je n'y arrive plus. C'est comme si c'était trop tard. Trop tard? Mais tu es si jeune. Je ne sais pas. Je trouve que c'est difficile de vivre proche de grands génies. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Certains plus que d'autres. Ils s'intéressent à des femmes intelligentes, talentueuses, entourées d'amis, pour les enfermer à la maison. C'est comme avec Gustave. J'avais vraiment la sensation qu'on m'avait coupé les ailes, d'un seul coup. Tu as peut-être le droit de prendre un peu de temps pour toi. Tu sais ce qu'Oscar mijote en ce moment? Il veut m'épouser. Félicitations. Attends, ce n'est pas drôle du tout. J'ai découvert qu'il a publié les bans, sans mon accord. Mais comment as-tu pu faire ça? On n'a pas le droit. Il a volé mes papiers. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mariage est ce soir à Vienne. Je ne bouge pas d'ici. Et alors? Si je ne suis pas là, il n'y a pas de mariage. Mais il va être furieux. Je m'en fiche. Je lui ai dit que je l'épouserai quand il aura fait une grande œuvre. Pour le motiver. Ah, mais il en est capable, non? Oui, mais c'est ce qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il travaille sur un grand format. La tempête. C'est un portrait de nous deux, où lui souffre atrocement pendant que je dors tranquillement à côté de lui. Un ami l'a vu et l'a appelé la fiancée du vent. Tu m'es pas tiré d'affaire, alors? Depuis l'avortement, c'est comme si j'avais à me faire pardonner. C'est difficile d'être avec lui. Mais c'est aussi merveilleux quand tout va bien. Aller au spa, se tremper dans des bassins chauffants, entouré de vieillards lubriques. Et avec cette sorcière, elle est malade, elle a besoin de repos, n'importe quoi. Est-ce que je vais au spa, moi? Tout ça, ce sont des excuses. S'il vous plaît. Monsieur. La chambre de Madame Malheur, s'il vous plaît. Et vous êtes? Donne-moi le numéro de la chambre, imbécile. Je suis son mari, ça se voit, non? 213, monsieur. Merci infiniment. Oscar? Mon amour. Oscar, mais qu'est-ce que tu fais là? Une surprise. Je suis venue t'apporter des chocolats. Tu es adorable. Oh, mon Oscar, mais comme tu m'as manqué. Merveilleuse chambre. Superbe vue sur la mer et cette cheminée. Oui, je suis très bien ici. On prend soin de moi. Tu n'as pas accroché mon portrait? Ton... Le portrait de moi que je t'ai donné, pour ta protection. Non, je ne l'ai pas accroché. Je vois. Oscar, tu comprends, ici c'est un temps à part, c'est un temps pour moi. Je vois que je ne suis pas le bienvenu. Je vais rentrer alors, te laisser avec tes curistes libidineux, et cette femme pitoyable et répugnante qui te suit partout comme un chien. C'est très bien, c'est le genre d'ami que tu préfères à ma présence, c'est très bien, tout est très bien. Oscar, ne t'énerve pas, je ne peux pas le supporter, j'ai besoin de calme. Tu es fatiguée, hein? C'est ça? Alma est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Qu'a-t-elle fait toute la nuit pour être si fatiguée? Avec quel homme s'est-elle frottée dans la boue? S'est-elle prélassée au soleil? Tu devrais peut-être refaire un petit massage, reprendre un peu de tisane. Je ne t'écoute pas quand tu es comme ça, tu es affreux. Tu sais que je t'attends à Vienne et que je ne peux rien faire sans toi. Je ne t'appartiens pas. J'ai ma vie aussi. Alma, chérie. Qu'il me tue! À petit feu. Mon amour, excuse-moi. Je suis trop violent. Tu sais que je deviens comme ça quand tu me manques trop. Pardon. Tu m'en veux? Tout ce que je fais, c'est par amour pour toi. Je n'ai pas voulu te fâcher. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Je te pardonne tout, Alma. Tu me pardonnes quoi? Je te pardonne d'avoir tué notre enfant. Tu me pardonnes pas. Tu m'en veux encore. Si, viens là. Tout va bien. Je n'y pense même plus. L'histoire s'invite dans la vie du couple en 1914. Franz Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme sont assassinés à Sarajevo le 28 juin. Un meurtre qui est l'aboutissement de tensions larvées depuis des années de la part des minorités de l'Empire en quête d'indépendance. Le 18 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le conflit embrase vite l'Europe entière, puis le monde. Au milieu de ce chaos, Alma Mahler ignore les conseils d'amis de se réfugier en Suisse et elle choisit de rester à Vienne. Là, elle loue un appartement de 10 pièces, depuis lequel elle observe les parades et les marches triomphales des premiers soldats, comme électrisée par la violence à venir. La guerre. Que vienne la guerre. Qu'elle me délivre, même si c'est pour la mort, pour le chaos. Comme je rêve d'une autre vie, d'un changement radical. C'est horrible, je me sens terriblement seule, et pourtant je n'arrive pas à rompre avec Oscar. Je ne le supporte plus. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Je voudrais que cette guerre me lave de cet amour, qu'elle me purifie. Oscar est mauvais, c'est un diable qui m'empoisonne depuis trop longtemps. Et moi-même, je deviens méchante avec lui. Il fait ressortir le pire de moi-même. Comment sortir de cette situation? Comment retrouver un peu de calme? Ah, mais c'est absurde, mais j'ai l'impression que cette guerre, c'est de moi qu'elle vient. C'est ma colère qui s'exprime. Amchi ? Ne m'appelle pas comme ça, c'est Malheur qui m'appelait comme ça, pas toi. Mon Alma ? Ah, écoute, ne me touche pas. Je ne sais plus quoi faire pour te plaire. Ah bon ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour te plaire à nouveau ? Mon Alma ? Tu pourrais déjà ne pas rester là toute la journée à ne rien faire ? Ah, tu as raison. Je suis un paresseux. Un parasite. Quand tout le monde part se battre pour notre pays ? Oui, tu as raison. Tu ne peins même plus. Je ne peins plus, je n'y arrive plus. Je me sens trop coupable. Mais la vérité toute bête, c'est que je n'ai pas envie d'y aller. J'ai peur. Si tu n'étais pas un lâche. Un lâche ? Je suis un lâche. Je profite de la vie. Je fais des dîners. Je te l'ai déjà dit, même pour ta peinture, ce serait quelque chose de bien. Tu serais vraiment en contact avec la vie, pas là, dans une bulle. De toute façon, je ne vais pas tarder à être appelé. Alors vas-y avant. Enrôle-toi volontairement. Plutôt que d'attendre et d'angoisser, au moins tu sauves la face. J'en ai parlé à Adolf Loos. Il dit que je dois rejoindre les dragons de l'Empire. Mais oui. Ben, c'est plus prestigieux et moins dangereux. Il a fait des démarches pour moi. Il te faudra un cheval, je t'aiderai à le payer. Et un bel uniforme. Eh ben nous en trouverons, hein. J'espère que comme ça, je pourrai te plaire encore un peu. C'est une très bonne idée, mon Oscar. Le 3 janvier 1915, Oscar Kokoschka part pour le front. Aussitôt débarrassée de lui, Alma Mahler reprend une vie sociale intense. Ses lettres à son amant se font rares et parfois virulentes. Elle se montre très peu sensible à la dure réalité du front. En août, Oscar est blessé par une balle à la tête et un coup de baïonnette dans la poitrine. Ses blessures sont si sévères que sa mort est annoncée dans les journaux. Le premier réflexe d'Alma est alors de se précipiter dans son atelier et d'y récupérer leur correspondance, potentiellement compromettante pour une veuve. Lors de sa convalescence, Oscar souhaite la revoir. Ses amis ont beau intervenir en sa faveur, Alma refuse. Elle ne veut plus le voir. En secret, elle a déjà repris contact avec son ancien amant, Walter Gropius, le futur fondateur du Bauhaus. Ma chère Alma, le temps passe et la guerre est toujours là. Toujours aussi dure, toujours aussi monotone. Je me suis étonnamment bien remis de mes blessures. J'ai même été renvoyé sur le front depuis et blessé à nouveau. Je t'ai attendu, mon Alma, dans mon lit d'hôpital. Je t'ai réclamé de nombreuses fois. Les médecins pensaient que j'étais fou. Tu n'es jamais venu me voir. Je n'ai pas vu, pas voulu voir que tu t'étais éloigné de moi. Il y avait nos disputes, oui. Mais je croyais que notre amour était plus fort. Je me suis trompé. Je t'ai tant aimé, mon Alma, et peinte des milliers de fois. Je continue, encore aujourd'hui, car je n'arrive pas à t'oublier. Je cherche toujours à comprendre quel est ton mystère, d'où vient ta force secrète. Tu ne me réponds plus. Tu as sans doute repris tes salons, tes soirées mondaines. J'ai entendu dire que tout Vienne venait s'amuser chez toi. Je suis heureux si tu es heureuse. Composes-tu parfois quelques chansons, ma déesse ? As-tu encore du temps pour te mettre au piano, maintenant qu'Oscar n'est plus là, pour te distraire et te détourner de toi-même ? Je l'espère. Je t'ai tant aimé. Alma Mahler et Walter Gropius se marient le 18 août 1915. Elle aura de lui deux enfants, dont l'un, prématuré, meurt quelques mois après sa naissance. Mais dès la fin de l'année 1917, exaspérée par l'attente et les difficultés de la guerre, Alma fait déjà le constat de l'échec de ce nouveau mariage et se tourne vers un nouvel amour, le poète Franz Werfel. Oscar Kokoschka, lui, met plus de temps à oublier sa muse. Et leur histoire connaît un bien curieux épilogue en juin 1918, quand le peintre passe une commande d'un genre spécial à Hermine Mauss, une fabricante de marionnettes de Munich. Une réplique grandeur nature d'Alma Mahler. C'est étrange. Ce matin, je me sens bizarre. C'est comme si je n'étais plus vraiment moi-même. J'ai essayé de me lever et tout mon corps était lourd. Mes bras pesaient lourd, mes mains ne me répondaient plus. Ma tête pesait de tout son poids sur l'oreiller. Quand je me suis habillée, j'avais une drôle de sensation. Comme si quelqu'un d'autre effectuait ses gestes à ma place. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à Oscar. C'est pourtant rare que je repense à lui. Ma vie amoureuse n'est qu'une série d'échecs. Walter m'exaspère. Franz n'est qu'un enfant. Je me demande parfois si, au fond, ce n'est pas Oscar que j'ai le plus aimé. Enfin, je ne sais pas. Nous étions si proches. Neuf mois. Neuf mois d'attente. Il aura fallu tout ce temps pour te créer. Te voilà enfin de retour à la maison, ma beauté. Ma déesse. Je vais pouvoir à nouveau te peindre. Comme la femme de Rubens. Comme la Vénus de Velázquez. J'ai besoin de ta chair, j'ai besoin de ton odeur. J'ai besoin de te dévorer des yeux pendant que je te peins. Tu m'as quitté de la pire manière. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Ah. Enfin. Les cheveux. Ok, un peu épais, mais ça va aller. Les yeux. Splendide. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est couverte de poils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du duvet? Mais elle se moque de moi, cette empailleuse. Elle m'a envoyé une femme poilue. Moi qui lui ai demandé la peau la plus fine, la plus douce. Elle me met du duvet de canton et je ne sais quoi. C'est effroyable. Alma? Alma, tu m'entends? Tu n'étais pas censée être défigurée comme ça, mon amour. Pardonne-moi, c'est la faute de cette sorcière. Attends. Assieds-toi. Viens là. Elle est encore un peu raide. Ça va se faire. Petit à petit. Allez, assieds-toi donc. C'est qu'elle est lourde. Alma, chérie, tu ne peux pas rester nue comme ça. Heureusement que ton Oscar a fait commander les plus belles tenues pour toi. Elles viennent de Paris et des sous-vêtements de luxe. Regarde cette belle culotte. Tu permets, Alma, que je touche tes jambes sublimes? Comme la première fois, quand tu m'as attiré dans ce petit salon pour me séduire. Voilà. C'est un peu juste. Ah non, ça passe. C'est que tu as toujours été bien en chair. Ça te va très bien. C'est de la dentelle fine. Il fallait toujours les plus belles choses pour Alma. Les plus belles matières. Ah, ne rentre pas dans le corset. Les seins sont trop durs. C'est grotesque. Je n'y arrive pas. Ça ne lui ressemble pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce tas de chiffons? De cette caricature? Je suis ridicule. Une fois la première déception passée, Oscar finit par adopter sa créature. Malgré ses défauts, elle lui permet de surmonter la douleur de la séparation. Elle lui sert principalement de modèle pour de nombreux tableaux, dont La femme en bleu, où la poupée pose avec raideur la poitrine dénudée. Mais il ne se prive pas d'emmener avec lui sa nouvelle compagne, baptisée la femme silencieuse, en promenade, prendre le thé ou même, dit-on, à l'opéra. Bientôt, tout Vienne parle de la nouvelle bizarrerie du peintre. Quel beau temps! Oui, quel plaisir d'avoir un peu de soleil. J'ai l'impression de respirer, pour la première fois depuis très longtemps. Tiens, je viens de passer devant la galerie qui est dans la petite rue derrière la place, tu sais. Mmh. Oui, alors? Il y avait une exposition de Kokoschka. Des dessins. Ah! Très beau. Je n'en doute pas. Beaucoup de dessins qui te ressemblent. Sans blague. Encore? Mais oui, il n'arrive pas à t'oublier, dis donc. Oh, Lily. Tu l'as revue récemment? Non. T'as fait de la peine. Lily, c'est rien, c'est... Je me sens toute bizarre. Oh, c'est à cause de votre divorce avec Walter? Oh non, non, non, c'est... Je ne sais pas. Depuis 2 ou 3 semaines, je me sens oppressée, malheureuse. Je repense à Oscar. Oh, ce tyran. Et tu as raison. Je suis folle. Oui, c'est complètement absurde. mais il me manque. Alors ça, c'est la première fois que je t'entends dire ça. C'était un vrai génie, un garçon merveilleux. J'ai l'impression d'avoir été mauvaise avec lui, de lui avoir gâché sa jeunesse. Peut-être que j'étais trop vieille pour lui, tu vois. Qu'on s'est tiré vers le bas. Non, c'est cette maudite poupée, il t'a jeté un sort. On avait une façon de s'aimer très instinctive, presque animale. Quelle poupée? De quoi tu parles? Tu n'as pas entendu parler de la poupée de Kokoschka? Mais non. Il a fait faire un mannequin qui te ressemble. Hein? Il est tout le temps avec lui. Mais il me ressemble vraiment? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais on dit que oui. Mais alors, tout le monde sait que... Ah, ça oui, ça ne fait aucun doute. Mais comment a-t-il fait pour me copier? Il paraît qu'il a envoyé tout un tas d'instructions très précises à une femme qui fabrique des marionnettes. La première avait dit non parce qu'elle trouvait ça trop pervers. Alors il en a trouvé une autre à Munich. Il lui a même envoyé une peinture de toi grandeur nature comme modèle. Mais c'est absurde. Ah, complètement. Il te promène. Pardon, il promène sa poupée partout dans Vienne. Et que disent les gens sur moi? Ça dépend. Mais comme il est prof à la Kunstakademie maintenant, et qu'on dit que c'est le plus grand artiste autrichien d'aujourd'hui, du coup, certains trouvent que tu le fais beaucoup souffrir. Que tu pourrais être plus gentille. Gentille? Mais est-ce qu'ils savent ce que j'ai vécu avec lui, au moins? Il passe pour un fou, mais comme les gens le trouvent génial, ça les fait rire. Tu deviens l'ingrate, la cruelle. Et qui se demande ce que j'en pense? Si je suis contente, moi, d'être transformée en poupée, d'être exhibée comme une chose. Mais tu voulais le revoir, non? Ah non, non, plus jamais. Quelle erreur. Alma? Alma? Tu m'entends? Qu'est-ce que tu regardes? C'est moi que tu regardes, Alma. Ou tu regardes ailleurs? Comme d'habitude? Ailleurs? Pour voir si l'herbe est plus verte? Verte. S'il n'y aurait pas quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent? Un jeune artiste à materner? À consoler? Consoler. Les artistes sont malheureux, Alma. Bien malheureux. Ils ont besoin de femmes comme toi pour prendre soin d'eux. Plus ils ont de talent, plus ils sont des incapables. Il faut les rassurer, les inspirer, leur préparer leur lit. Ils ont besoin d'une femme. Une femme? Hein? D'une femme soumise. Alma, qu'est-ce que tu regardes, Alma? Une femme. Je suis une femme. Tu parles, toi, maintenant? Je m'appelle Alma. Tu t'appelles Alma, oui, et moi, Oscar. Oscar. Tu es mon Alma, à moi. Oui. Tu me regardes, moi. Oui. Et tu te tais. Je me tais. C'est moi qui parle. Je ne dis rien. Bon. Ce qui me plaît le plus chez toi, c'est que tu ne dis rien. Rien du tout. C'est plus simple. Je ne dis rien. Tu te tais. Et tu ne gâches plus tout avec tes bavardages. Oui. Avant, tu disais des choses intéressantes au moins. Tu me parlais de ma peinture. J'aimais ta peinture. Tu l'as trouvée belle et terrible. Elle ne te faisait pas peur. Pas comme maintenant. Maintenant, tu as peur de moi. Je n'ai pas peur. Tu m'aimais parce que tu trouvais que j'avais du génie. En avais-tu? Tu as accepté de te confronter à ma peinture. Tu avais besoin de moi. Je peignais pour toi, rien que pour toi. Mais maintenant, tu n'arrives plus à rien. Tais-toi. Tu n'es plus rien. Non. Ta peinture est mauvaise. Non. Tu es un alcoolique, un fou, tu te promènes avec un fétiche, tu es bon pour l'asile. Tais-toi. Saleté de tas de chiffons. Tu as besoin de quelqu'un sur qui exercer ta violence, sinon tu n'es plus rien. Mais tu sais que je peux te détruire si je veux. Je sais. Je peux t'étrangler, t'arracher tes yeux et ton crin de cheval, te lacérer ta peau de cygne. Tu m'as construite pour me détruire. Vas-tu te taire? Je t'appartiens, Oscar. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Eh bien, tu vas voir. J'en ai assez de toi. De ton amour. Sors de ma vie. Ce soir-là, ivre, Oscar Kokoschka traîne la poupée hors de l'atelier et lui arrache la tête. Puis il brise une bouteille de vin rouge et la renverse sur son corps inerte. Le lendemain, la sonnette retentit de bonne heure. La police a été appelée par un voisin qui a vu un cadavre sanglant dans le jardin. Les policiers éclatent de rire en apercevant les restes de la poupée, insensibles sans doute à la véritable violence de la scène. On ne sait si Kokoschka parvint ainsi à se libérer de sa passion funeste. Quant à Alma Mahler, elle ne reprit jamais la composition. avec Franz Werfel, s'ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Mais ses doutes demeureront avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Je me sens si triste. Ces derniers temps, j'ai beaucoup repensé à Gustave. Je l'aime, lui, et rien que lui. Et depuis qu'il est mort, je ne fais que chercher, chercher sans cesse, sans jamais trouver. Mais je ne trouverai jamais. C'est terrible, cette sensation d'être deux personnes à la fois. Une partie de moi se laisse constamment dévier de sa route, change constamment de direction, et l'autre a besoin de liberté. Mais dès que j'ai la possibilité d'être libre, je me réfugie à nouveau auprès d'un homme, et le danger de la femme au foyer me guette. Ce n'est pourtant pas ce dont je rêvais quand j'étais jeune, quand je voulais consacrer toute ma vie à la musique. Je croyais vraiment qu'en travaillant beaucoup, j'arriverais à surmonter tous les obstacles. Mais ils étaient sans doute trop puissants, ou j'étais trop faible. J'ai manqué de courage. Je n'ai pas réussi à être femme et artiste. Mais peut-être que maintenant, après cette guerre, pour une autre génération de femmes, ce sera possible. Alma Mahler, la femme silencieuse de Camille Azaïs, avec Alma Mahler, Alnise Imburger, Oskar Kokoschka, Julian Aguerix, Lily Leaser, Karine Goron et l'employé Léo Antonin Lutinier. Bruitage Sophie Bissantz, prise de son montage et mixage Éric Villenfin et Titouan Oex, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Alma Mahler avec mon invitée Catherine Sauva. Put your rebels on, baby, giddy up. Baby, won't you dance, baby, get away. Dreamy nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, I'll treat you like a holiday. Don't say you're over me when we both know that you ain't. Don't say you're over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all over. Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when we both know that you lie. If you lie down, lie next to me. La la la la la la. You lie down, lie next to me. La la la la la la la la la. And you lie down, lie next to me. Get your jacket on, be a gentleman. Get into your truck and pick me up at 8. 'Cause we were built for the long haul freight train. Burned by fire without trial like a stowaway. And don't say you're over me when they all know that you ain't. If you lay down, lie next to me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Like six times till I'm sick and I cry. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say over me when they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me. If You Lie Down With Me de Lana Del Rey sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Anna Massardier et Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Kevin Pelot. Catherine Sauva, Alma Mahler se voyait-elle en muse? Elle se serait certainement vue d'abord en tant qu'artiste, en tant que musicienne. Muse est arrivée plus tard, peut-être même à son corps défendant toujours. Oui. C'est une personnalité extrêmement multiple, c'est-à-dire elle est formidablement dominatrice, comme on peut déjà l'entendre là dans cette pièce, et toujours très autoritaire. Elle a une vision des choses, elle a un charme fou. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne cesse de se plaindre de son impuissance, en fait, de son impuissance à créer, de son incapacité, qui se fustige toujours, qui se fait beaucoup de reproches quand elle l'écrit dans ses journaux, qui rêve sa vie et à force de la rêver, qui passe à côté finalement quelque part. Et en même temps, elle a été ce témoin merveilleux d'une époque absolument incroyable et assez dramatique, puisque sa vie va l'amener... Elle traverse la Première Guerre mondiale, un peu en spectatrice, évidemment, enfin, c'est le sort aussi des femmes. Et puis, elle va vivre l'exil... en 1938, après l'Anschluss. C'est étonnant quand même cette attirance qu'elle exerce sur les artistes et elle-même, l'attrait qu'elle a pour eux. On a l'impression qu'elle attend d'eux qu'ils réalisent ce qu'elle n'a pas pu accomplir elle-même. Oui, puisque la condition qu'elle mettait aux relations, et notamment avec Kokoschka, c'était que ces hommes, enfin, et puis ceux qui vont suivre, réalisent des chefs-d'œuvre. Enfin, s'ils voulaient être à son niveau, ils devaient eux-mêmes réaliser un chef-d'œuvre. C'est aussi parce qu'elle était la veuve de Gustav Mahler, qui lui-même était considéré comme un grand musicien. Enfin, cela dit, Gustav Mahler, c'est compliqué aussi parce qu'à l'époque, c'était pas non plus le grand... Enfin, il était moins reconnu qu'il l'a été par la suite. Il était surtout connu pour être le directeur de l'opéra et ensuite un chef d'orchestre absolument inoubliable, comme il l'a été à New York, etc. La réputation qui a été établie autour de ses symphonies est venue beaucoup plus tardivement et grâce à elle. Alma Mahler a composé de nombreux leaders, donc ce qu'on appelle des chansons dans la fiction, mais ce sont des leaders, c'est une forme musicale typiquement germanique. Elle en a composé beaucoup. Elle en a composé exactement, on en a décompté à peu près 16, je crois, dont il serait à peu près prouvé que Mahler en ait repris 5. Et puis, comme il a vécu avec elle une situation dramatique où elle l'a trompé, parce que Alma, je fais une petite parenthèse, Alma dans sa vie, avec là, on a entendu l'histoire de Kokoschka et on a entendu le nom d'autres amants, il y a beaucoup d'autres. Mais ils se chevauchent toujours. C'est-à-dire, quand elle est avec l'un, elle rencontre un autre et elle fait valoir l'un contre l'autre, etc. Et en fait, quand elle est encore mariée à Mahler, survient cet homme qui va être donc le futur fondateur du Bauhaus, qui est Walter Gropius. Qui est un architecte allemand. Et qui tombe amoureux l'un et l'autre, etc. Et à partir de ce moment-là, Mahler va commencer à regarder sa femme différemment. Il va énormément souffrir. Mais ce qui est terrible, c'est la manière dont il veut revivre vraiment son histoire avec Alma, jusqu'à donc enfin jeter un coup d'œil sur ses compositions. Et là, il travaille très très tardivement. Mais pour ces leaders, ce sont des petits joyaux, c'est beaucoup dans l'inspiration du fameux Zemlinsky aussi dont on parlait. Il y a quelque chose de très très viennois dans l'atmosphère un peu crépusculaire comme ça. Ce sont toujours des poèmes qui sont choisis, qui sont très beaux et donc très mis en valeur. Enfin, je conseille à ceux qui s'intéressent de les écouter. Ce sont des très beaux leaders. Alors on a l'impression avec Alma Mahler d'une femme, une artiste à la voix étouffée, une victime des hommes d'une certaine manière, et en même temps une femme assez dominatrice, vous l'avez dit, égoïste, voire narcissique. Pendant la guerre, elle est heureuse de voir son amant Kokoschka, bon, faut dire qu'il est assez envahissant, et elle est contente de le voir partir à la guerre. Elle se marie avec Gropius, mais là encore, quand lui aussi part à la guerre, elle s'ennuie, elle attend son retour. et elle prend donc un nouvel amant, Franz Werfel. Elle est assez insatiable et versatile. Oui, oui, on l'a toujours décrit comme une grande amoureuse, enfin voilà, et comme une Valkyrie, je disais tout à l'heure, parce que oui, ça lui va vraiment religieuse. Une montre religieuse, c'est ça, assez misogyne. Tout à fait, les hommes, elle les dévorait, et puis elle les jetait quand elle avait fini, parce que Werfel, qui était aussi plus jeune qu'elle, et qui était un jeune poète expressionniste en devenir, et va devenir ce grand auteur de best-seller, on l'a oublié maintenant, mais c'était un auteur assez intéressant, vraiment. Elle le mettait vraiment au travail, c'est-à-dire au fouet, quasiment, c'est-à-dire elle l'enfermait dans un endroit où elle était sûre qu'il allait rester, et il devait travailler toute la journée, lui rendre des comptes, etc. Mais voilà la force de cette femme qui n'en fait qu'à sa tête, qui reçoit dans son salon, toujours très emperruquée, enfin bon, c'était ses vrais cheveux, mais enfin, auquel elle a rajouté tout un tas de... Avec une robe en lamé d'or. Une robe en lamé d'or, avec toujours un décolleté très très voluptueux, enfin, qu'elle a toujours mis très en avant. Et puis, elle devait être assez passionnante, et pour cause, puisqu'elle a rencontré tellement de gens. En 1938, quand même, elle vit un épisode assez tragique. Elle est obligée de fuir avec son mari, qui est juif, Franz Werfel. Elle fuit l'Autriche, qui vient de passer sous la coupe d'Hitler avec l'Anschluss, et elle part, ils s'exilent tous les deux aux États-Unis. Werfel va mourir en 1945 et Alma va devenir une espèce de défenseuse, la gardienne du temple de Gustav Mahler. Elle va être présente à toutes les répétitions quand Leonard Bernstein, le grand chef d'orchestre, va diriger les symphonies de Mahler. Je vous propose de l'écouter, interviewée ici à la BBC pour parler de son défunt mari. Le journaliste lui demande si Mahler était en privé un homme difficile à vivre, toujours la tête dans son ouvrage. Yeah, he has 8 months in the opera. Yes. To work. Yes. And then 2 months for prepare the next day, and 2 months vacation. In this 2 month vacation, he make his symphony. The whole day, when he had a little bit of time. Yes. He was always working in a little house quite far away from the house where we are living. Alma Mahler donc lui dit qu'il travaille 8 mois à l'opéra, pendant 2 mois il préparait la saison suivante et il avait 2 mois de vacances pendant lesquels il composait ses symphonies. Et là encore, il se réfugiait dans une petite maison isolée, loin de sa famille pour travailler. C'est étonnant, cette dame, donc elle a, on est en 1960, c'est une dame âgée, elle continue de parler, on l'interview pour parler de Gustav Mahler. J'adore d'ailleurs parce qu'on entend cet accent autrichien viennois en fait, en anglais, ça c'est assez merveilleux la manière dont elle roule les airs et ça chante encore. Etc. Oui, elle a fait ce travail-là. En tous les cas, elle l'a fait. C'était important parce que Gustav Mahler a été relativement oublié dans cette période. Et c'est grâce à Leonard Bernstein, comme vous l'avez dit, Bruno Walter. Et puis après, l'irruption de ce jeune biographe qui s'appelle Henri-Louis de Lagrange et qui a après accompli un travail de bénédictin absolument incroyable toute sa vie en s'intéressant aux éléments biographiques de Mahler. Merci beaucoup, Catherine Sova. Donc, Alma Mahler meurt en 1964 à l'âge de 85 ans. Catherine Sova, on peut lire de vous sa biographie, votre biographie d'Alma Mahler, qui a été publiée chez Payeux en 2009 et rééditée en 2012 en format de poche. Et votre dernier livre, Depuis que je vous ai lu, je vous admire, visite d'écrivains à leur maître, publié chez Fayard en 2021. C'est la fin pour ce soir de Temps en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai une affaire troublante qui a secoué la France au tout début du XXe siècle, juste après la séparation de l'Église et de l'État. Un jour de juillet 1906, le curé du petit village de Châtenay, en Eure-et-Loire, disparaît. Accident, assassinat, enlèvement. Pendant des mois, l'affaire va passionner la presse et susciter les hypothèses les plus invraisemblables. 1906, l'affaire du curé de Châtenay, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.